Chapitre 6e. Les mineurs commandés par Jean de Fer et Harry Jones arrivent comme la foudre. Leur groupe compact, bien lié, effondre les derniers rangs des desperados partis à la traîne, en débandade. « Ne tirez pas! Laissez-nous faire !» crie Jean à ses nouveaux amis. Il prend un revolver de chaque main et ajoute « À nous deux, Harry, je commence !» Ils ne sont plus guère qu'à 50 pas de la troupe d'Andrés, une centaine d'hommes environ. En plein galop, avec une vitesse foudroyante, Jean fait feu. Il y a de rapides éclairs, des coups secs, précipités, des flocons de fumée blanche, puis des sifflements de projectiles, et aussitôt, là-bas, parmi les ennemis épouvantés, une dégringolade soudaine. Oh, l'admirable tireur! Toutes les balles ont porté avec une précision effrayante. Et cela produit une brèche dans les rangs serrés des cavaliers. Il y a comme un flottement dans cette masse mouvante, et l'enragé galopade se ralentit. À vous, Harry! Crie Jean de sa voix claironnante. Cavalier consommé, le géant dirige son cheval de la jambe et de l'éperon. Il lève ses deux revolvers et presse les détentes. « Bravo, mon cher, bravo !» fait Jean, pendant que les mineurs emballés poussent des cris d'enthousiasme. La brèche s'élargit. Quelques hommes tombent. La peur commence à se mettre dans les rangs. Cela se voit aux écarts des chevaux et aux courbettes des cavaliers. Là-bas, en tête, la voiture détale au triple galop des mules emballées. Une pierre un peu grosse, un trou un peu profond, un chaos un peu brusque, et l'attelage culbuté s'en irait en morceaux. Mais est-ce que l'on s'occupe de cela en pareil moment? Déjà, le champ d'or est franchi depuis longtemps. Plus de ruisselets pour laver les sables, plus de fosses carrées, plus de décombres en talus, et partant, plus d'obstacles. Le vallon s'élargit. À gauche, c'est la plaine. À droite, c'est la montagne. Joey, qui file en avant, sur la robuste échine de Bob, se dit « La montagne est plus sûre ». Il arrive à la jonction de deux larges voies naturelles et crie à sa mère « À droite, Namita, à droite !» En même temps, il pousse Bob dans le chemin qui conduit à la Sierra toute proche. C'est un défilé, mesurant au moins 50 mètres de large et où s'engagent, comme une trombe, les fugitifs. Brusquement, un coup de sifflet déchire l'air, puis un commandement bref. Et aussitôt la troupe d'Andrés, qui galope derrière la voiture, oblique sur la gauche. Elle abandonne la poursuite et s'élance vers la plaine. La place est libre. Jean, Harry, les mineurs, demeurés ébahis, la prennent sans retard et se pressent derrière l'attelage. Il y a un moment de détente et d'espoir. Néanmoins, Jean est perplexe. Devant cette manœuvre incompréhensible, sa vieille expérience des choses du désert s'inquiète. Il sait qu'Andrés n'est pas homme à lâcher ainsi sa proie. Alors ? Mais le fracas de la galopade l'empêche de se concerter avec Harry et les mineurs. Et puis à quoi bon, puisqu'ils ignorent tous la topographie du lieu. Il y a plus de 2 heures que dure cette fuite éperdue et déjà on croit la partie gagnée, quand Jean pousse un juron carabiné. « Heldamit, voyez donc, Harry, le défilé se resserre !» La gorge, qui mesurait 50 mètres, est soudain réduite à 25. « Bah, nous passerons !» Voilà pourquoi les desperados nous ont lâchés. Sans doute pour courir nous attendre au bout du canyon. Défilé maudit. Eh, by Jove, répond tranquillement l'Américain. On se battra. Oui, et rudement. On parcourt encore une lieue. Joey marche en éclaireur et précède le groupe d'environ 500 mètres. Tout à coup, on le voit revenir ventre à terre. Il fait un signe et pousse un cri. Stop, Mamita, stop là! Aussitôt la voiture s'arrête, Joey la croise et vient parlementer avec Jean de Fer. « Qu'y a-t-il, frère ? » demande inquiet le jeune homme. « Un malheur. Là-bas, le canyon se termine en une coupure étroite. Un seul cavalier peut y passer, et encore. « Démonio, nous sommes pris. Retournons sur nos pas. « Impossible. Tiens, regarde. Les desperados reviennent. » Jean se retourne et aperçoit là-bas, en arrière, une troupe nombreuse qui coupe la retraite. Il recharge froidement ses revolvers et reprend avec son calme terrible. « Eh bien, en avant, quand même !» On repart, et 10 minutes après, on vient buter au fond du défilé. À gauche se dresse une muraille à pic. À droite commence le flanc de la montagne, un raidillon escarpé que l'attelage peut gravir à la rigueur. L'étroite coupure qui termine le canyon mesure environ 200 mètres de long sur 1,50 m de large. Au-delà, c'est l'espace libre. La plaine que seuls peuvent atteindre les cavaliers en frôlant les parois de granit. Que faire? Abandonner la voiture et parcourir à pied cette distance? Mais Don Blas et sa femme sont incapables de marcher. Et puis, quand même, ne faudra-t-il pas des chevaux pour les transporter tous les deux, ainsi que Juana, Flore et Mamita? Des cavaliers essayeront-ils de les prendre sur le devant de leur selle? Mais non, la fuite serait entravée. On courrait un désastre. Voilà ce que j'en perçois en un clin d'œil. Alors, que faire? Un plan audacieux s'offre à son esprit. « Chers amis, dit-il brièvement aux mineurs, séparons-nous. Fuyez vite par la brèche, courez nous chercher du secours, nous nous défendrons là-haut. » « Oui, Jean, répond un des mineurs au nom de ses camarades, nous obéissons, bien qu'il nous en coûte de vous quitter. Comptez sur notre dévouement, et nous ferons de notre mieux. Au revoir. » « Au revoir, ami, et merci. Emmenez nos chevaux et prenez-en soin. » Puis, montrant du doigt la montagne, il ajoute « Toi, Mamita, chère mère, en avant !» Il met pied à terre, ainsi que Harry et Joey, pendant que l'Indienne sangle d'un vigoureux coup de fouet les mules de la voiture. L'attelage bondit sur la pente et là gravit au galop, juste au moment où quelques desperados mieux montés apparaissent en vociférant. « Ah, pardieu ! » s'écrie Jean furieux. « Ces braillards-là vont payer pour les autres. À toi, Joey, à vous, Harry !» Ils épaulent vivement leurs infaillibles Winchester. Trois détonations retentissent et se répercutent en roulements lointains. Là-bas, entre les deux murailles du défilé, trois mécréants dégringolent. Jean constate que les mineurs ont disparu et commande « En avant et du nerf, mille tonnerres !» Aussi, rude piéton qu'intrépide cavalier, il s'élance derrière la voiture. Déjà son allure se ralentit. Vainement Mamita fouaille ses bêtes à tour de bras. La pente devient de plus en plus rude. Elles sont forcées de prendre le pas. Aussi les desperados reviennent à la charge et commencent à tirailler. Quelques balles sifflent de façon inquiétante. « Allons !» crie Jean. « Encore une salve !» Pour la seconde fois, tonnent les Winchester. Un véritable feu de fil qui arrête l'assaillant et fait gagner 10 minutes aux fugitifs. La voiture a pu s'élever encore de 150 mètres. Un tour de force. Mais c'est la fin et les mules ne peuvent plus avancer. On est à peu près à l'abri des projectiles, mais il faut abandonner l'attelage. « Mesdames, veuillez descendre !» dit Jean de Fer, qui s'avance vers la voiture immobile sur l'effrayante déclivité. C'est d'abord Flore de Sol qui jaillit de dessous la bâche, comme un diable d'une boîte à surprise, un amour de diablotin, vibrant et trépidant, que la claustration et l'immobilité ont agacé jusqu'à l'énervement. Elle aperçoit Jean et s'écrie, joyeuse, « Ouf, il est temps, je suffoque, moi. Jean, mon grand ami, bien travaillé. Oh, comme je suis heureuse de te revoir. Petite Flore, ma chère petite Flore, dit le jeune homme, dont le visage s'épanouit. Mais il aperçoit Juana. Il reçoit au cœur un choc violent et pâlit. Et dans ce frémissement qui agite son être, il oublie soudain les tortures d'antan, les nuits d'insomnie, les jours d'angoisse, la vie sans espoir. Il oublie l'horreur du moment, la fuite éperdue, le péril tout proche, la mort qui menace, pour ne voir que l'aimé dont la vue lui cause une de ces joies qui touchent à la souffrance. Malgré l'engourdissement, elle saute légèrement à terre et fixe sur lui son beau regard limpide qui l'enveloppe d'une tendresse infinie, défaillant presque sous la muette caresse qui le paye au centuple des misères passées, le cœur battant, la gorge serrée, il murmure « Señorita, vous avez cruellement souffert, mais ne craignez rien, nous vous sauverons. » Elle saisit la main qu'il n'ose lui tendre, la serre, l'étreint dans les siennes, et lui répond, les yeux dans les yeux, mettant toute son âme dans ses paroles. « Près de vous, Jean, j'ignore toute crainte, et je suis heureuse. » Et sans lui laisser le temps d'ajouter un mot, elle dit à Joey et à Harry, « Et vous, chers amis, recevez toute l'expression de ma reconnaissance. Elle est infinie, comme votre dévouement. » Malgré lui, Harry a intercepté la tendresse de ce regard échangé entre Jean et la jeune fille. Il a senti l'émotion des paroles et a deviné la chaleur de l'étreinte. Il comprend la différence des deux attitudes et entrevoit la vérité. Alors il songe à part lui. « Comme elle l'aime, et moi je ne serai jamais qu'un ami. » Il pousse un long soupir, s'incline et répond « C'est le devoir, Miss Juana, et il nous est doux à remplir. » À présent, c'est Donia Laura qui sort péniblement de la voiture. Jean s'incline devant elle avec respect et Harry s'avance en disant doucement « Madame, permettez-moi de vous aider. » Elle sourit douloureusement au jeune Américain et murmure « Ah, Mr. Jones, la fatalité s'acharne toujours. Vous voyez, merci pour votre fidélité à notre malheur. » Sa faiblesse est extrême. Brisée, anéantie, elle peut à peine se tenir debout. Harry la prend entre ses bras robustes et l'emporte. C'est enfin le tour de Don Blas. Il émerge avec difficulté, se cramponne à la bâche et se trouve en face de Jean. Lors de cette fuite éperdue, Mamita, en quelques phrases rapides, leur avait expliqué la situation. Ainsi que sa femme et sa fille, Don Blas Guerrero savait que Harry, Jean de Fer et Joey se trouvaient là. Mais si Juana sentait que son fiancé était le chef intrépide, en un mot l'âme de leur délivrance, Don Blas ne voulait comprendre qu'une chose, c'est que Jean était simplement un homme au gage de Harry Jones et que tous devaient leur salut à ce dernier. Les deux hommes se regardent. Malgré l'horreur de la position, Don Blas conserve son inflexible orgueil. Il songe que cet aventurier a osé jeter les yeux sur sa fille et qu'il porte un nom déshonoré. Jean se rappelle que cet Espagnol arrogant a outragé la mémoire de son père et insulté le nom sans tache de Valdès, le sien. Et de ses yeux jaillit un éclair dont la Sendero ne peut soutenir l'éclat. Mais il considère que cet homme est le père de Juana, l'ange de grâce et de bonté qu'il aime si ardemment. Et puis, il est si malheureux. La générosité de Jean, autant que son amour, fait taire un ressentiment pourtant si légitime. Il incline lentement la tête et salue avec une dignité un peu hautaine qui laisse Don Blas interdit et songeant. Ma parole, il me traite en égal. C'est quelqu'un. Avec des difficultés inouïes, la Sendero met pied à terre. Mais ses jambes enflées ne peuvent le supporter. La tête lui tourne, le cœur lui manque. La réaction des tortures subies s'opère brusquement. Il va tomber sans appeler à l'aide. Pris de pitié, talonné par le danger, Jean le reçoit dans ses bras d'athlète, le soulève comme un enfant et le hisse, en courant, sur l'abrupte pente. Harry le suit, portant Donia Laura. Juana et Flor gravissent en bondissant comme des gazelles à travers les pierrailles, les roches et les éboulis. Mamita grimpe gaillardement, chargée d'un sac énorme. En bon fils, Joey veut le lui enlever. « Non, mon enfant, » répond doucement la métisse. « Il y a là-dedans des provisions, il faut songer à tout. N'aie pas peur, je suis forte, et j'ai porté plus lourd. Toi, qui es si brave et si adroit, défends-nous. Tu les entends, les maudits. Ils accourent, c'est l'attaque. » Les craintes de l'excellente femme ne sont que trop justifiées. Les desperados, un moment déconcertés, s'enhardissent en voyant le petit nombre des fugitifs. Déjà une vingtaine s'élance à l'assaut en poussant des clameurs farouches. Joey les regarde et se met à rire en découvrant ses dents aiguës de jeune fauve sentant la curée. Puis il répond à sa mère « Tu as raison, Mamita. C'est moi l'arrière-garde. Marche sans crainte, mère adorée. Marche, sous la protection de ton fils. » Avec la vitesse de la pensée, il épaule sa carabine à répétition. Quatre coups de feu éclatent en 4 secondes. Demeuré debout, les desperados crachent l'insulte, se croyant manqués. « Ce ne sont pas les hommes, » qu'a visé l'admirable tireur. « Mais les pauvres mules arc-boutées à mi-côte, ne pouvant plus avancer et ne voulant pas se laisser entraîner à reculons par la voiture. » Les balles les frappent à la tête avec une précision terrible. Elles fléchissent sur leurs jambes et tombent foudroyées. Alors se passe quelque chose d'effroyable. La lourde charrette n'étant plus retenue, commence à dévaler, lentement d'abord, puis la rapidité de la descente s'accélère. Elle roule bientôt comme un torrent, culbute, pirouette sur elle-même, entraînant les bêtes mortes. La masse rencontre le peloton des desperados restés à cheval et qui n'ont même pas le temps de tourner bride. Elle passe avec un fracas assourdissant sur le groupe, l'écrase, l'aplatit, l'anéantit. C'est le salut, ou du moins la tranquillité pour quelque temps. Et Joey, triomphant, recommence l'escalade et rattrape les fugitifs au moment où ils arrivent à une plateforme qui domine le défilé. Au fond gronde une cascade qui descend du sommet et tombe à pic dans un gouffre circulaire, une sorte de puits, Tout autour se dressent à hauteur d'homme des rochers formant un rempart naturel où on peut se défendre et repousser un assaut. Alors, Jean de Fer, le bien nommé, dont les muscles n'ont pas fléchi, dépose à l'abri Don Blas, qui le regarde avec une stupeur mêlée d'admiration. Ce formidable tour de force accompli, le jeune homme s'incline froidement, comme si c'était la chose la plus naturelle, et enlève à Mamita son fardeau. Et Don Blas, qui persiste dans son étrange erreur, s'écrie avec une familiarité hautaine et stupide « Caramba, mon garçon, vous n'êtes point en carton-pâte. Et vous, Harry, vous choisissez bien vos serviteurs. » « Vous vous trompez, Don Blas, » répond l'Américain, « car mon ami Jean de Fer, oui, oui, je sais, vous êtes modeste, il n'en est pas moins vrai que, en votre qualité de chef de cette expédition libératrice, je vous dois des remerciements. Nous vous devons l'existence et la liberté, mon cher Harry, je ne l'oublierai jamais. » Le jeune homme l'interrompt avec une dignité triste. « Votre reconnaissance, Don Blas, ne doit pas s'égarer. Elle appartient toute à Jean de Fer, mon ami le plus cher, et qui fut aussi mon bienfaiteur. Il m'a sauvé la vie au péril de la sienne. J'étais seul, désarmé, sans ressources. Fraternellement, il m'a aidé, soigné, ravitaillé. Il m'a fourni des armes et un cheval pour que je puisse m'associer à l'œuvre de votre salut. Jean de Fer est un héros, et je suis aussi fier de me dire son ami que de combattre sous ses ordres. C'est à lui, c'est à Joey, c'est à sa mère, c'est à Fleur de Sol que vous devez tous d'être vivants et libres. » En écoutant ces loyales paroles, Don Blas éprouvait une stupéfaction profonde. Ses préjugés s'effondraient et son orgueil souffrait cruellement. Et il se taisait, humilié, devant ses petits, ses humbles, que l'abnégation et le dévouement faisaient si nobles et si grands.